sors de ta coquille. T'as les yeux qui brillent. Écoute la musique. C'est une danse magique. Mets tes bras en l'air. Tes pieds dans la mer. Et secoue ton derrière. Il va falloir t'y faire. Je vais t'apprendre à rire jusqu'à en pleurer. On va bien s'amuser. Mélanger les pieds, c'est articulé, mais faut pas tomber. C'est fait pour s'éclater. Si la danse du balou n'est pas long, pas bien lourd, faut taper des mains et taper des pieds. Faut rouler des hanches et même si ça penche, il faut faire de son mieux. Si la danse du balou n'est pas long, pas bien lourd. Des palous, pas bien lourds.